Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Nuit Alexandre Dumas. Première nuit, Alexandre Dumas, nous serons sages et mesurés, nous nous limiterons à deux nuits, Alexandre Dumas, alors que, bien entendu, des dizaines de nuits, Alexandre Dumas père, en l'occurrence, aurait pu à l'infini ou presque nous distraire. Deux nuits, mais c'est deux nuits très riches, évidemment, qui à la fois nous plongeront dans les œuvres de Dumas, les œuvres connues, célébrissimes, le Dumas du Comte de Monte Cristo, Dumas des Trois Mousquetaires, mais aussi peut-être dans des sujets moins connus, le Dumas de Keane, d'Antony, de la Tour de Nesle, d'Ascanio, du voyage en Russie. Bonsoir Frédéric Lurol. Bonsoir Philippe Garbi. Alors c'est en votre compagnie que nous allons débuter cette première nuit Alexandre Dumas. Alors ça me semble assez évident parce que vous hantez le jour, et peut-être la nuit, qui sait, le château de Monte Cristo. Vous vous rendez compte du bonheur que vous avez? On aimerait tous être comme ça. Vous êtes en effet la directrice de ce monument historique à quelques kilomètres de Paris, à Port-Marly, précisément, c'est à l'ouest de Paris. Et on ne saurait trop conseiller la visite de cette propriété, car il s'agit d'une grande propriété, avec un parc à l'anglaise, et puis des châteaux. Oui, parce qu'il y a deux châteaux. Là. Moi, la surprise, quand j'ai visité, c'est que je croyais, comme tout le monde, qu'il y avait un château, celui de Monte Cristo. Mais non, il y a deux châteaux. Enfin, vous allez nous les décrire et nous raconter un petit peu comment ce qui se passe quand on arrive dans ce lieu extraordinaire, calme, malgré quand même les routes et autoroutes qui passent pas très loin. Mais en tout cas, calme, parce que ça y est, on est au 19e siècle quand on entre dans le parc. Et puis, non seulement c'est un lieu où Alexandre Dumas, on l'a compris, a habité, mais c'est un lieu que Alexandre Dumas, des propriétés qu'Alexandre Dumas a fait construire, jardins, grottes, cascades et évidemment habitations confondues. Tout à fait. C'est un lieu extraordinaire dans lequel on pénètre... Avec ravissement, on découvre un lieu de façon progressive. On arrive dans un lieu très verdoyant. Et on arrive tout d'abord vers le château d'If, qui est donc la deuxième petite maison que vous ignoriez. C'était le cabinet de travail d'Alexandre Dumas. C'est une maison très particulière qui est assez petite, avec une sorte de donjon, à l'intérieur duquel Dumas s'enfermait pour écrire. Et cette petite bâtisse est construite sur une île, entourée d'un petit lac, et c'était vraiment fait selon les souhaits d'Alexandre Dumas. Et ce petit château d'If fait face au château de Monte Cristo, qui était sa demeure principale. Alors, un jour, il a visité la région qu'il connaissait déjà et il a dit, voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent et je veux maintenant une propriété loin de Paris pour pouvoir écrire tranquillement, pour ne pas être dérangé, par toutes les possibilités d'aller au théâtre, d'aller dans les restaurants et autres. Oui, Dumas, lorsqu'il habitait Paris, menait une vie très tumultueuse. Il a voulu un peu s'écarter de cette vie-là afin de pouvoir trouver la concentration nécessaire pour écrire. Pour cela, il se dirige vers Saint-Germain-en-Laye. En quelle année à peu près? Alors, on est en 1843, 40, peut-être 42. Il s'éloigne de Paris, mais à Saint-Germain-en-Laye, il mène une vie qui est tout aussi tumultueuse qu'à Paris. Beaucoup de gens se pressent aussi à Saint-Germain pour le voir, ce qui fait beaucoup de jaloux auprès du duc d'Orléans, qui est très jaloux de tout le tumulte qu'il peut y avoir à Saint-Germain et non pas à Versailles. Et Dumas ne trouve pas encore ce lieu qui peut lui permettre cette concentration. Et un jour, alors qu'il se promène entre Saint-Germain-en-Laye et Versailles, Dumas est un grand marcheur, il tombe littéralement amoureux des collines du Port-Marly. Il faut imaginer qu'à l'époque, lorsqu'on est sur ces collines, on a une vue extrêmement dégagée sur un paysage avec des vergers, des vignes, et on voit la Seine. Et de loin, on voit même le mont Valérien. C'est donc une vue extrêmement dégagée, et là, il se dit « c'est là que je veux construire ma maison, c'est là que je vais réussir à écrire comme je le souhaite ». Donc il fait appel à un architecte qui s'appelle Hippolyte Durand. Il le fait venir et il lui dit, voilà, je veux une maison dans un parc à l'anglaise. Il y a des sources, vous m'en ferez des cascades. Et je veux en face de ma maison un petit cabinet de travail entouré d'eau. Alors, au départ, le projet paraît pharaonique, d'autant plus que les terrains sont faits de glaise et qu'il est très difficile de construire sur un terrain de glaise. Donc l'architecte lui répond en ce sens, en lui disant « Mais enfin, monsieur Dumas, ça ne va pas être possible, votre château va glisser. » Et Dumas lui répond « Mais vous ferez deux arcades de cave et vous verrez, ça tiendra. » Alors, la preuve qu'il avait raison, parce que le château est toujours présent aujourd'hui. Ceci dit, ça a été quand même un gros chantier. et puis, Dumas a acheté donc les terrains, parce que je parle tout de suite de la construction, mais il a quand même fallu qu'il achète les terrains à différents propriétaires, différents paysans à qui appartenaient ces terres. Bien sûr, ces paysans l'ont vu venir de loin et ont dû lui faire payer très cher ces terrains qui étaient complètement en pente. Il était célèbre, Alexandre Dumas. Il était très célèbre. Dumas venait de d'écrire Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, qu'il faisait paraître sous forme de feuilleton dans la presse. Et les gens se ruaient sur la presse pour pouvoir avoir la suite du feuilleton, pour savoir comment allait se dérouler la suite de l'histoire. Donc il était effectivement très célèbre, très riche, puisqu'il était payé à la ligne, et que ses romans sont très longs. Et que parfois, ça va à la ligne, mais pour le plaisir quand même de la répétition, de l'interrogation. Un peu, oui, quand même. Oui, mais c'est pas gênant, parce qu'après tout, on, dans la vie courante, on fait répéter les gens aussi. Oui, c'est très vivant. Oui. C'est l'avantage de l'écriture de Dumas, c'est ça, c'est que c'est extrêmement vivant, ça parle au lecteur. Et cet architecte, alors, il avait travaillé sur d'autres lieux, ou il allait travailler sur d'autres bâtiments, j'imagine. Oui, il est connu pour avoir travaillé sur la villa qui se situe à Biarritz. La Villa Eugénie. Voilà, c'est ça. Et puis plus tard, la Lourdes, enfin, la basilique de oui, Lourdes aussi. Oui, oui. Alors, donc, qu'est-ce que Alexandre Dumas vient sur ce terrain, fait venir cet architecte, mais... quelle est sa demande quand même pour le château d'If? Est-ce que ça s'appelle tout de suite le château d'If? Est-ce que ça s'appelle tout de suite le château de Monte Cristo? Non, non. Au départ, les deux bâtisses n'ont pas de nom. Les demandes de Dumas, c'est vraiment ça. Je veux une maison principale dans laquelle je vais vivre. Je veux pouvoir y recevoir mes amis. Mais c'est vraiment une maison. C'est à dimension humaine. C'est pas du tout un lieu dans lequel il veut faire des grands bals au démarrage. C'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment une maison de campagne qu'il souhaite. Et face à cette maison de campagne, qui va bien sûr devenir une maison un peu plus travaillée qu'une simple maison de campagne, mais cela reste tout de même une maison avec des dimensions très très simples. Hein. Et en face, il veut un cabinet de travail isolé. C'est vraiment ça la demande de Dumas. On n'en sait pas plus. Et par exemple, ce sont deux bâtiments totalement différents d'un point de vue architectural. Il y en a un qui est néo-gothique, le château d'If. Et l'autre, c'est quoi? C'est Renaissance Oui, néo-Renaissance. Enfin, oui. C'est un peu particulier. Le château de Monte Cristo a des façades entièrement sculptées. On va retrouver sur les façades des personnages mi-anges, mi-végétaux, des oiseaux, des armes, des instruments de musique. Il va y avoir également, au-dessus de chaque fenêtre du premier étage, des visages d'écrivains qui était cher à Dumas. Alors on va retrouver Virgile, Dante, mais également Chateaubriand et Shakespeare, par exemple. Hugo ? Eh bien non, Hugo n'y est pas. Et Dumas a failli ne pas y être. Il paraît, enfin c'est ce qu'il dit, qu'il avait des amis qui venaient visiter pendant le chantier. Et quelqu'un lui aurait dit, mais vous n'y êtes pas. Et Dumas avait dit, mais moi je suis à l'intérieur, je suis là pour accueillir les visiteurs, je n'ai pas besoin d'être sur la façade. Puis ça a dû le faire réfléchir un petit peu quand même après, et il s'est fait sculpter son propre visage juste au-dessus de la porte d'entrée. Et le mot a beau être haïssable, n'empêche qu'il est là. Et puis il y a sa devise aussi. Il y a sa devise qui figure tout en haut du château, qui est « j'aime qui m'aime », qui est une devise que je trouve formidable. Alors, donc, Frédéric Lurol, vous, j'ai dit que vous hantiez ce lieu. Depuis combien de temps êtes-vous la directrice de ce lieu? Oh là là, je ne veux pas dire ça. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Mm. Et qui avez-vous vu passer de... Parce qu'il y a les amis d'Alexandre Dumas, mais il y a aussi, j'imagine, beaucoup de personnes venant de l'étranger. C'est quand même un des écrivains les plus lus, des écrivains français les plus lus dans le monde entier. Oui, oui, oui. On a la plus forte fréquentation étrangère, ce sont les Russes. Qui lisent énormément Dumas. Il faut dire aussi qu'Alexandre Dumas a fait un périple de 10 mois en Russie. Il y a laissé ses marques. Il faut bien imaginer qu'il y a même une sculpture de Dumas qui figure sur un port à Poti. Et il a vraiment laissé sa trace. Il est vraiment très très populaire en Russie. Donc les Russes viennent beaucoup, surtout de façon individuelle. On n'a pas beaucoup de groupes encore russes. Est-ce que les Asiatiques viennent, puisqu'on dit beaucoup, beaucoup de, tourisme? Un peu, mais pas beaucoup. Mais il est traduit en Chine? Oui. Enfin, nous avons des exemplaires. Oui, tout à fait. Nous avons des exemplaires des Trois Mousquetaires ou du Comte de Monte Cristo en coréen, en japonais, en chinois. Enfin, bon. Ça, c'est émouvant d'ailleurs de voir. Ce qui est émouvant aussi, enfin, même si c'est évidemment, c'est à la gloire de, à sa propre gloire, mais après tout, c'est lui qui fait construire, c'est lui qui a acheté les terrains, etc. Et puis, il a une conscience de son talent, j'imagine, en tout cas de sa notoriété, de sa célébrité. Elle est juste, cette conscience. Dumas, c'est un des écrivains les plus célèbres de son siècle. Il n'a pas attendu 50 ans pour le devenir, après sa mort, pour le devenir ou pour être connu. Oui. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le contemporain, dans le journalisme, dans le enfin bref. Ce qui est amusant de voir dans le château d'If, Frédéric Le Roll, c'est ce qui est sur les murs, comme ça, c'est ces petites plaques, comme ça, ça pourrait être des prénoms d'enfants ou d'amis, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Enfin, c'est presque ça, quand même. Ce sont des titres d'œuvres d'Alexandre Dumas qu'il a fait graver dans la pierre. Et il y a 88 titres gravés au total, tout autour de la façade. Il est certain que si Dumas était resté là plus longtemps, il y en aurait bien sûr davantage, puisqu'il a écrit plus de 300 volumes, donc c'est considérable. Le château d'If présente un intérêt indéniable dans le sens où c'est vraiment un hommage complet à son œuvre. Qu'il s'est fait à lui-même, tout simplement. On a Edmond Dantès qui découvre son trésor au-dessus d'une porte, qui est gravée dans la pierre. On a également des rois qui figurent sur la tourelle. Et puis, tout en haut de la tourelle, on a pu reconstituer un blason qui existait à l'époque de Dumas et qui avait disparu. Et en 2016, on a fait une grande campagne de restauration sur le château d'If. Et ça nous a permis de remettre en place ce blason que Dumas avait fait faire, qui est fait dans du plomb, sur lequel figure le Monte Cristo, qui était au large de l'Italie. Et on voit ce mont qui est entouré de vagues, et en dessous est écrit « attendre et espérer ». Et « attendre et espérer », ce sont les derniers mots qui figurent dans le Comte de Monte Cristo. Donc c'est vraiment un hommage complet à son œuvre. C'est assez émouvant, ça. Et puis ça remet en place, vous avez dit quelque chose, enfin un objet, mais ça remet en place aussi notre connaissance, en tout cas, de Dumas, parce qu'en tout cas, quatre titres sur cinq, je les connaissais pas ou je les avais pas lus plus exactement. Donc ce qui veut dire que le monde d'Alexandre Dumas, c'est il faut toute une vie, quoi, pour le découvrir. Ah oui, c'est gigantesque. Son œuvre est gigantesque. Alors, on lit les principales œuvres et puis les autres, on les laisse un peu de côté. Mais ceci dit, certaines valent vraiment la peine d'être lues et découvertes, vraiment. Alors, à quel moment, Frédéric Le Roll, a-t-on nommé le premier château, c'est-à-dire celui de la maison, celui de l'accueil des amis, etc., le château de Monte Cristo, après, évidemment, parution en feuilleton, puis en volume du Comte de Monte Cristo, mais qui l'a fait? Ce sont des amis qui l'ont conseillé ou... Non, en fait, Dumas avait pris possession des lieux, il habitait dans sa maison, et la maison n'avait à l'époque pas de nom. Un jour, alors il y avait toujours beaucoup de gens qui venaient le voir, et en train. Un jour, en train. Première ligne. La femme d'un acteur qui jouait beaucoup dans les pièces d'Alexandre Dumas, Madame Mélingue, un jour se dirige vers le château de Monte Cristo. Elle prend le train depuis Paris, elle arrive au PEC, et au PEC, elle demande à un cocher de la mener chez Monsieur Dumas. Et le cocher reste interrogatif. Et il ne sait absolument pas de qui il s'agit. Alors elle est obligée d'expliquer un peu, en lui disant « Mais si, enfin, Monsieur Dumas, les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo. » Et alors elle a à peine fini sa phrase que le cocher lui dit « Mais si vous m'aviez dit tout de suite que vous vouliez aller voir le Comte de Monte Cristo, je vous y aurais mené tout de suite. » Donc elle raconte cette anecdote à Alexandre Dumas. Ça lui plaît énormément et il se dit, d'accord, très bien, ma maison va s'appeler le château de Monte Cristo. Alors on pense que par extension, le cabinet de travail s'est appelé le château d'If, mais on n'a absolument pas la preuve que c'est bien lui qui l'a appelé ainsi. Est-ce que ça s'est fait un peu après? Ça, on ne sait pas. Et on sait, Frédéric Le Roll, que sur au large de Marseille, parfois, on vient et on dit « Puis-je voir le cachot où Edmond Dantès a vécu ?» Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. Bon, légende, mais après tout, laissons les naïvetés, elles sont sympathiques aussi. Exactement. Voilà. Mais est-ce que ça vous est arrivé, vous, à Port-Marly, est-ce que quelqu'un est venu vous dire, tiens, le château de Monte-Cristo, mais alors, est-ce que c'est un rapport évidemment avec Dumas, avec Edmond Dantès, puis-je voir le cachot? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Mais vous savez, on a aussi des gens qui viennent visiter et qui demandent qui était le comte de Monte-Cristo et quand était-il né et de quand à quand avait-il vécu là. Hein. Ça, on a aussi des visiteurs qui se posent la question et qui imaginent véritablement que le comte de Monte-Cristo a vraiment existé. Eh ben, il a existé puisque Dumas l'a inventé. Exactement. Donc, alors que leur dites-vous? On est obligé d'expliquer que c'est la maison d'Alexandre Dumas avant tout. Voilà. Mais c'est normal d'arriver, on ne connaît pas tout, et puis voilà. Bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Alors, et puis, quand ils sortent, ils savent de quoi il s'agit. Ah oui, non, parce qu'il y a l'intérêt. Voilà, alors c'est sûr que, donc, on a parlé du parc à l'anglaise avec les cascades, les grottes, voilà, l'île. Attention, c'est une petite île, faut pas que les auditeurs ne connaissant pas et allant très vite visiter pensent que c'est un château immense sur une île immense avec un lac insensément grand. Non, c'est pas ça. Tout est très petit. Mais c'est charmant. Et ça ne se visite pas, le château d'If. Non, le château d'If ne se visite pas, on peut voir la pièce dans laquelle Dumas écrivait à travers une porte vitrée. Non, ce sont des raisons de sécurité. Lorsqu'on accueille du public, on est obligé d'avoir une porte d'entrée et une porte de sortie distinctes. Or, Dumas n'avait créé son cabinet de travail qu'avec une seule porte, donc on ne va pas en créer une autre. Mais je suis sûr que ça fait partie aussi du plaisir de la visite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer partout. Exactement. Et puis, dans le château d'If, on voit au fond, à droite, un escalier en fer forgé, en colimaçon, qui grimpe et ça éveille beaucoup de curiosité. Mais il est plus tardif que la... On suppose qu'il est un peu plus tardif. Il reste du 19e, mais on suppose qu'il est un peu plus tardif parce qu'il est vraiment très petit. Et Dumas faisait 1m80. Et cet escalier n'est pas très pratique pour les grandes personnes. Et l'on est certain qu'il a écrit dans ce château d'If, enfin dans ce cabinet d'écriture, parce que le bureau que l'on peut voir à travers la fenêtre, je suis pas entré. Et puis les feuilles bleues qui sont là, il me semble qu'elles sont ici, les feuilles bleues. Vraiment, vous êtes certaine de ce que vous présentez au public, Frédéric Lurel? On fait une simulation afin de susciter l'intérêt et pour montrer un petit peu la place que pouvait prendre un bureau. Maintenant, ce n'est pas le bureau de Dumas père que nous avons là. En revanche, nous présentons le bureau de Dumas fils, ce qui est intéressant aussi. On a fait une simulation en mettant des livres, une plume, etc. C'est pour que les gens imaginent les lieux tels qu'ils pouvaient être à l'époque. Mais on n'a pas le vrai bureau. Mais qu'a-t-il écrit alors? On ne sait pas très bien ça, justement. Parce que Dumas était à la fois présent dans cette propriété, mais en même temps, il voyageait beaucoup. Donc, qu'a-t-il écrit véritablement ici ou ailleurs? On n'en a pas véritablement la preuve. Et puis, il faut dire quelque chose de très triste, Frédéric Lurel, c'est qu'il n'a pas habité très longtemps et qu'il n'a pas possédé très longtemps ce château de Monte-Cristo. Parce qu'on en parle depuis 20 minutes, comme ça, comme s'il y avait passé les 30 dernières années de sa vie, nullement. Oui, il n'y est pas resté très longtemps. En revanche, il a vraiment posé sa marque. Voilà. Puisque ses initiales sont sur les façades, il y a sa devise, comme on en parlait tout à l'heure. C'est tout un monde vraiment dumasien qui se présente à nous. En revanche, c'est vrai que Dumas a acheté les terrains en 1844. La date qui figure sur le château, c'est 1846. Donc, il n'a fallu que 2 ans pour construire cette demeure, ce qui n'est pas beaucoup. Et ensuite, on sait qu'il a vendu le mobilier dans un premier temps en 48 et la maison en 49. Ceci dit, il y est resté un petit peu après, puisqu'il a vendu à un prête-nom et il était là en tant que locataire. Donc il a reloué des meubles, il s'est réinstallé dans cette maison. En revanche, on sait qu'en 1851, il était parti définitivement de France, puisque en 51, il était en Belgique. Alors, Frédéric Lurel, ce lieu qui est dumasien à n'en plus pouvoir, dans lequel il a vécu peut-être 2 ou 3 ans, pas plus. C'est étonnant, connaissant la bonté des entrepreneurs et des gens, des spécialistes de l'immobilier, que ça n'a pas été détruit. Alors, il a failli être détruit. La maison après Dumas a appartenu à plusieurs propriétaires privés. Et puis, on arrive là, dans les années 50. Le château appartient à une société immobilière. Cette société immobilière loue les lieux. Donc on a des locataires qui sont là, mais le lieu se délite peu à peu. L'école anglaise de Paris fait ses premiers pas là. Donc on imagine des élèves qui sont présents, qui vont à l'école et qui sont même pensionnaires. Donc dans le château d'If, on a un petit dortoir de garçons. Dans le salon Mauresque, on a un dortoir de filles. Ils ne sont pas très nombreux alors. Non, ils ne sont pas très nombreux à rester dormir. Ils peuvent dormir. Ils étaient 8. Donc ça, c'est assez amusant. Mais ceci dit, ça participe aussi aux différents changements qui ont pu avoir lieu à l'intérieur du château. Si quelqu'un cherche les cuisines aujourd'hui du château, il ne les trouvera jamais parce qu'elles ont totalement disparu, malheureusement. On arrive ensuite vers les années, la fin des années 60. Le château a vraiment perdu de son éclat. Toutes les toitures sont éventrées. Toutes les façades sont noircies par la pollution, par la végétation, etc. Et la société immobilière décide de raser le domaine afin de construire un ensemble de 400 logements. Il dépose ce permis de construire à la préfecture. En étant 69, la préfecture accepte le projet. Et c'est là que deux entités se sont levées pour défendre ce château. Il y a d'une part la Société des Amis d'Alexandre Dumas avec à sa tête Alain Decaux. Donc là, on a un ensemble de personnes passionnées par Alexandre Dumas, par l'histoire, par le patrimoine qui se mettent ensemble pour défendre ce projet. Et parallèlement à cela, il y a trois villes, la ville de Marly-le-Roi, Le Pecq et le Port-Marly, qui créent un syndicat intercommunal et qui stoppe le projet en achetant le domaine. Et donc ce sont les trois villes, réunies en un syndicat intercommunal, qui ont sauvé le domaine de Monte-Cristo. Ce serait appelé Monte-Cristo, il y aurait, voilà, ce serait au Milady, où on aurait trouvé des noms, de très beaux noms. Mais en tout cas, ce qui est beau dans la visite, Frédéric Lurol, de ce lieu, donc château de Monte-Cristo, à Port-Marly, à quelques kilomètres de Paris, c'est que c'est justement l'entrée dont vous nous avez parlé. C'est-à-dire qu'on n'entre pas comme parfois dans les demeures historiques, enfin dans les demeures des maisons natales ou non natales, mais enfin d'un écrivain. On pousse une porte et ça y est, on a à gauche le bureau, à droite la cuisine, etc. C'est quand même toute cette avancée comme ça dans le parc. Oui, c'est vraiment une découverte progressive. On arrive dans la partie haute du parc et on descend, on traverse une grotte, on voit quelques cheminements d'eau, puisqu'il y a une succession de bassins tout au long du parc. Et puis on arrive tout d'abord vers ce château d'If, mais qui est un petit peu caché par la végétation. Mais je comprends très bien qu'on puisse y entrer comme ça, et sans savoir même que c'est écrit ici, le château de Monte-Cristo. Mais si on ne lit pas bien attentivement, et si on n'a pas lu le roman, si on ne connaît pas Alexandre Dumas, qui est quand même autorisé, eh bien, fait tout, on arrive dans cette propriété, et ça doit être formidable comme ça de découvrir par le lieu, par les lieux. Quoi. Ah oui, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter parce que ce sont des amateurs et des passionnés de châteaux, tout simplement, ou de lieux historiques. Et exactement. Oui, parce qu'ils sont, enfin, ils sont pas rares dans cet ouest parisien, mais n'empêche. Là, c'est un parc qui est classé aujourd'hui et qui est aménagé à l'anglaise avec des grottes, des cascades, des rocailles. Enfin, c'est un environnement très particulier qui plaît évidemment. Bien entendu, beaucoup aux enfants, parce qu'on peut se cacher dans plein d'endroits, mais même pour l'adulte, c'est vraiment... on est plongé dans un autre siècle. Et jouer aux mousquetaires. Oui, exactement. Et on peut faire abstraction complètement du 21e siècle. Alors, on entre quand même dans ce château, Frédéric Lurol, et puis, donc, on n'a pas les cuisines, mais tant pis. Alors, on a le dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas, si on veut s'intéresser à Dumas et la cuisine. On a des pièces qui sont... explicative n'est pas le mot, pédagogique, en tout cas dans le bon sens, voilà, c'est très intéressant de se promener au rez-de-chaussée et puis à l'étage. Mais on a du mal à imaginer ce qu'était le... Il devait y avoir un amoncellement de meubles, de tableaux, de... Enfin, ça devait être... On ne devait pas tenir à plus de deux dans chaque pièce. Là, je pense, oui. Parce que, je vous dis ça parce qu'il y a cette triste affichette de l'adjudication, ce qui était terrible, j'imagine, pour Dumas, de voir son paradis, comme ça, mis en vente. Et il y a énormément de choses qui sont mises à la vente, justement. Oui, c'était un amoncellement de mobilier divers et variés, de toutes... de toute époque, de toute provenance. Il faut imaginer aussi des tapis de toutes sortes, des tentures, etc. Ce qui, bien sûr, aujourd'hui n'existe plus puisqu'il a tout vendu aux enchères. Donc, il nous reste très très peu de mobilier, un secrétaire qui était vraiment là au Port Marly à l'époque, et une table qui est située dans le salon Mauresque. Le reste, ce sont des meubles que nous avons mis là afin de suggérer une atmosphère, mais loin de nous l'intention de vraiment oui. montrer comment c'était vraiment à l'époque, c'est impossible. Non, mais le reste, on le lit dans les mémoires, ou on le lit dans le Comte de Monte Cristo, par exemple, parce que l'amoncellement de meubles, de tapis et oui, de, ça peut y faire penser, oui, voilà, tout à fait. Mais ça, on est sur l'île, on est ailleurs, vers l'Italie un peu plus. Et puis alors, il y a une pièce très, très étrange, une pièce orientale. Mm-hmm. Et alors là, est-ce qu'elle est d'époque? Ah oui, totalement. En fait, Dumas, c'est une histoire très amusante, encore une fois. En 1846, l'Algérie est une nouvelle colonie française. Et le gouvernement souhaite inciter les Français à aller s'installer en Algérie. Et ils se demandent comment faire pour inciter les Français à partir. Et ils ont l'idée de faire partir Dumas, là-bas, afin qu'il raconte comment se passe son voyage, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il goûte, etc. Parce que Dumas écrit ses impressions de voyage. Il part dans une multitude de pays. Je vous ai parlé de la Russie tout à l'heure, mais il est aussi allé en Italie, en Espagne, en Suisse. Avec un dessinateur, hein, parfois. Parfois avec un dessinateur. Et il écrit ses impressions de voyage, qu'il publie également sous forme de feuilleton dans la presse. Et cela aussi a beaucoup de succès. Donc le gouvernement français lui demande de partir en Algérie. Dumas en profite très largement puisqu'il va demander à faire tout un périple. Il ne va pas aller que en Algérie, il va aussi aller en Tunisie, au Maroc, il va passer par l'Espagne. Enfin bon, il aura son bateau pour pouvoir y aller. Enfin, il en profite largement. Et c'est lorsqu'il est en Tunisie qu'il est témoin de la réalisation par deux artisans du mausolée du Bey de Tunis. Et là, il tombe en admiration complète devant cet art de sculpter le stuc. Et il va demander au Bey de Tunis de ramener avec lui les deux artisans qui sont en train de construire le mausolée. Donc, c'est difficile au départ de faire accepter cette idée-là. Et le Bey de Tunis n'est au départ pas d'accord. Mais Dumas lui dit, mais enfin, vous êtes en train de construire un mausolée. C'est une œuvre de mort, vous n'êtes donc pas pressé. Moi, je veux une œuvre de vie dans mon château. L'argument a fait mouche et il a ramené les deux artisans avec lui dans son château. Donc, on a en face de nous un authentique salon mauresque. La seule chose qui n'est pas d'époque, c'est le sol. En fait, ce salon mauresque a été restauré en 1985 grâce au mécénat du roi Hassan II qui a envoyé ses propres artisans. Donc, ils ont restauré les murs, les plafonds, vraiment dans les règles de l'art. Mais il a offert en même temps le sol qui est fait en marbre et en zellige de Fès. Alors c'est maroco-tunisien en somme. Voilà, c'est ça. c'est une très belle pièce dans laquelle on ne peut pas rentrer pour des questions de conservation, mais qu'on peut très largement voir depuis la pièce d'à côté. Mais vous savez bien, Frédéric Lerolle, que les pièces, encore une fois, dans lesquelles on ne pénètre pas, sont celles que l'on regarde le plus longtemps. Tout à fait. Alors celle-ci, on peut passer, en effet. Il y a deux entrées, enfin deux oui. entrées, deux portes possibles pour le regard, comme ça, et on passe de l'une à l'autre, et on se réjouit de voir ces choses assez merveilleuses, comme ça, qui devait être un lieu où on allait s'asseoir, boire un thé ou un café tranquillement, sans, je suppose, oui. sans changer oui. de chaussures, sans, voilà, c'était une pièce comme une autre, quoi, évidemment, tout du temps d'Alexandre Dumas. Donc, il quitte, ce pauvre Alexandre Dumas quitte, bien malgré lui, cette maison, cette propriété. On sait qu'elle a failli être démolie dans les années 60, à la fin des années 60. Mm-hmm. Ça n'aurait pas été le seul monument à être démoli. Heureusement, c'est sauvé. Est-ce que dans son œuvre, il décrit cette propriété? Il parle très peu dans les de mémoires, Monte Cristo. Il parle un peu dans ses mémoires et aussi dans Histoire de mes bêtes. Histoire de mes bêtes est un roman qui se passe à Monte Cristo, mais qui évoque surtout les animaux qui étaient présents. Et Dumas disait qu'il aimait la solitude, mais pas la solitude seule. il aimait la présence des animaux et il a peuplé son domaine d'une foule d'animaux. Alors, on va parler de 13 chiens, 13 chats. C'est un nombre considérable, mais au niveau du type d'animal, ça n'a rien de très extraordinaire. En revanche, il a également un vautour qui s'appelle Diogène. Il a également des singes. Et toute cette peuplée d'animaux est mise en scène dans Histoire de mes bêtes. Malheureusement, ce roman n'est plus édité aujourd'hui, mais il est assez intéressant. On demandera à Claude Chop la semaine prochaine, qui sera l'un de nos invités, de nous dire pourquoi ce roman, cette œuvre n'est pas publiée. Elle l'a été, mais oui. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a le nom de cette œuvre sur le château d'If? Je crois que oui. Là, c'est pas votre vie à regarder quand même. Vous devriez tous les jours, Frédéric Lurol. Les apprendre par cœur. Alors donc, je suis certain que les auditrices, les auditeurs vont de la région parisienne et d'ailleurs vont aller un jour voir le château de Monte-Cristo. D'ailleurs, ils l'ont fait. Ils n'ont pas attendu notre nuit spéciale Alexandre Dumas pour le faire. Mais en tout cas, ça mérite d'y retourner, parce que je pense que c'est un lieu qui se transforme pas tous les jours, mais qui se transforme quand même, parce qu'il y a il y a les vitrines aussi, on découvre des choses, il y a peut-être des dons, des laits qui exactement. Nous sont faits. Et là, nous venons de recevoir un don qui me tient particulièrement à cœur, que vous n'avez pas vu quand vous êtes venu, parce qu'il n'était pas encore en place, mais nous venons de recevoir une réplique du collier de la reine. Cette réplique est en verre, évidemment, pas en diamant, hein, mais c'est quand même extraordinaire de voir ce travail qui a été fait sur ce collier, et surtout de découvrir la dimension considérable de ce collier qui partait du cou et qui arrivait très très bas, puisqu'il s'accrochait sur la robe de la reine. Mais ouais. C'est très intéressant de voir ça permet d'illustrer un peu le collier de la reine d'Alexandre Dumas. Je vais vous donner et donner aux auditeurs le menu de cette première nuit Alexandre Dumas. Nous entendrons tout à l'heure donc une conférence d'André Mauroy sur la jeunesse d'Alexandre Dumas, puis une conférence donnée par Louis Jouvet au début de l'année 1950, Mélodrame et romantisme, une autre conférence d'André Mauroy sur Antony, sur cette pièce qui a été un grand succès, puis on entendra une pièce qui s'appelle Kin, l'histoire de ce comédien britannique, avec Pierre Brasseur et Maria Cazares. C'est une programmation, ça a été diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale en 1949. Pierre Brasseur, Maria Cazares, c'est du grand Dumas. On recevra ensuite Clara Edouin et Romain Becdelièvre du collectif 49701. Il paraît que c'est un nom de code, on va leur demander ce que ça veut dire. En tout cas, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'ils ont un projet théâtral enthousiasmant pour les amateurs de Dumas. C'est jouer les Trois Mousquetaires, leur propre adaptation, et ça sur plusieurs années, comme un feuilleton, dans des lieux variés, pas toujours loin s'en faut des scènes de théâtre. Et puis, en toute fin de cette première nuit, Frédéric Lurol, j'indiquerai aussi à vous et aux auditeurs les programmes de la deuxième nuit. Mais il y aura aussi, après Clara Edouin et Romain Becdelièvre, des anecdotes sur Alexandre Dumas et Talma par Béatrix Dussane et Ascanio. Alors là, c'est un roman. Je crois qu'on voit Ascanio sur le château d'If. Oui, mais c'est dans une adaptation de Patrice Galbaud. Ça a été diffusé en 1962 sur France 3 nationale. Et puis on aura quelques potins en fin de nuit sur la vie conjugale d'Alexandre Dumas. Vous serez attentive à ces potins, Frédéric Lurol. Alors, est-ce qu'il y a des romans d'Alexandre Dumas que vous avez découvert grâce à cette propriété, c'est-à-dire que vous, en allant dans les archives, tout ça, vous avez dû vous dire un jour, mais tiens, on parle tout le temps de ce roman peu connu, pourquoi ne l'ai-je pas lu ? Je vais le lire. C'est vrai que sur le château d'If figure un très grand nombre de titres d'œuvres d'Alexandre Dumas, et certains interrogent, je vois bien que les visiteurs ont également ce même réflexe. Mais quand on voit écrit Pauline, par exemple, ou Cécile sur les façades, on pense que ce sont des prénoms... D'amoureuses. Voilà, mais en fait, pas du tout. Ce sont des romans d'Alexandre Dumas qui sont très intéressants, totalement romantiques, bien sûr, mais qui sont très intéressants à découvrir et qui sont toujours édités aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui vous donnent des conseils aussi ? Vous disent quoi, vous n'avez pas lu? Ou alors j'ai retrouvé une lettre, une inédite non. Ça ne m'est jamais arrivé, non. Pourtant, c'est vous qu'on doit aller voir. Oui, ou les amis d'Alexandre Dumas, plutôt. Vous faites partie des amis d'Alexandre Dumas, j'imagine. Oui, bien sûr. Escalité. De cœur. Est-ce qu'il y a plusieurs amitiés, Alexandre Dumas, rival? Non, il n'y a qu'une, vous nous rassurez. Ah oui, oui, il n'y a qu'une seule société des amis d'Alexandre Dumas. Bon, eh bien, écoutez, cette nuit va se poursuivre donc par les, on l'a dit, les conférences et puis des textes dramatiques, des très belles captations. Fakine, vous allez écouter tout ça. Et puis on se retrouve en fin de nuit, Frédéric Lurolle. Vous nous redirez comment aller. Bah, tiens, vous nous redirez comment aller à ce château de Monte Cristo, parce que j'ai dit que c'était à l'ouest de Paris, mais c'est un peu vague quand même. Oui, alors. À tout à l'heure. Vous nous direz ça en fin de nuit. D'accord.